volé quand je suis là dans le ciel bleu. Sombré dans l'amour, en paix tombée en cache qui café moi. Moi je vais aller tourner qu'on va glander. Sombré dans l'amour, en paix moi libéré. Moi démarré, plein de points du ciel, en carré. ferai pour toi le tour du monde. Même si c'est pour te voir qu'une seconde. Pour te dire que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aimerai encore. Goodbye, beau. Goodbye, les beaux.